C'est la grande haine que se trouve des insectes sataniques qui font partie du côté de l'amour, de l'autre côté. Alors, je parlais des deux trinités. L'autre trinité n'en parle pas. Dans notre monde, ça constitue faire partie de ça, de cette autre idée-là. C'est ça que je dis à vous autres. Vous allez comprendre un jour. Que dans notre monde, à nous autres, il y a une image, il y a une idée. Parce que, c'est neutre. L'intelligence qu'on a, nous autres, dans notre monde, elle est neutre. L'amour qu'on a dans notre monde, elle est neutre. Fait, vous autres, si vous avez de l'amour spirituel, puis de l'intelligence créative, subjective, puis de la volonté subjective, ça fait partie du bon. Il y en a qui ont de l'intelligence négative, la volonté, ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie des cycles historiques où les hommes étaient pris en deviennent. Dans l'autre cycle, les hommes feront partie de la troisième trinité. Et leur intelligence sera neutre, leur amour sera neutre, leur volonté sera neutre. Ils seront simplement des canaux. Moi, je représente cet homme-là où la volonté n'est plus subjective, l'intelligence n'est plus subjective et l'amour n'est plus subjectif. Dans le sens que l'amour, on ne sait pas la haine. C'est intéressant. L'amour, on va prendre l'amour de cette troisième trinité, là, l'amour neutre, peut se servir de l'amour positif ou de la haine, qui est l'amour négatif. Autrement dit, je vais donner un exemple. Supposons qu'il y en a un parmi vous autres qui m'aillerait. Rien à m'arriver. Je me servirai de son énergie, je la transmettrai à son énergie. Et elle deviendra amour. Comment? En étant là. Même dans vos expériences personnelles, si vous avez eu envers moi des sentiments un petit peu au début de la naturelle, là, ma neutralité vous a amené à tuer ça. C'est ma neutralité. Si j'avais pas eu la neutralité, si j'avais été bête, mais si j'avais eu de l'amour subjectif, positif, puis la volonté subjective, positive, puis l'intelligence subjective, positive, vous auriez vu dans cet amour-là une certaine sorte de limite. Dans cette intelligence-là, une certaine sorte de limite, dans cette volonté-là, une certaine sorte de limite. Puis cette limite-là n'aurait pas pu correspondre avec ma manifestation en tant que personnalité. Ça a penché. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est simple. Quand des maîtres, il y a des grands maîtres tellement. Des normes évoluées. Il y a des gens qui vont les voir et qui leur trouvent des problèmes. Ils leur trouvent des faiblesses. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans le positif. Mais c'est pas vrai. Fait qu'ils viennent et disent, ouais, j'ai bien aimé ça, c'est intéressant mon expérience. Il était bien beau, bien fin, tout ça. Il y a des bonnes vibrations du coin. Mais ils vont trouver des petites faiblesses. Ils vont dire, ah, les gens se promènent des baguettes, ils enlèvent absolument rien. Ils jettent des torts à terre, ils vont jeter des tasses. L'ego va jouer. Tandis que quand t'es neutre, quand t'es plus dans la forme, quand t'es neutre, dans l'intelligence, dans la volonté, ces erreurs-là, tu peux pas les commettre. Parce que t'es totalement individualisé, t'es totalement centrique, pis y'a rien qu'une chose qui compte. C'est les gens que tu rencontres, c'est des années dans une vibration où eux autres peuvent passer de la dualité à la neutralité. Fait qu'automatiquement, moi j'appelle ça des erreurs psychologiques, ces erreurs-là, tu peux pas les commettre. Fait qu'automatiquement, les gens montent. Les gens arrivent comme toi à cette neutralité-là, puis à cette neutralité intelligente, neutralité d'amour, neutralité de volonté, puis c'est là que leur individualité commence. C'est là qu'ils deviennent eux-mêmes des maîtres. Mais en eux-mêmes, libres. Et ils ne doivent pas venir ensemble, ils ont besoin de balayer ensemble. Dans tout ça, fait mon ordre, comme les filles qui font du développement à toi, là, si tu leur regardes positif, là. Non! Non, mais je veux dire, c'est non, pas regarde. Possible. Neutre. Tu vas voir que l'ITAI, c'est une moins intégrée, une certaine résistance. Il y a toujours quelque chose de positif à sortir de cette différence de vibration, des moins qui fait trop des Les nœuds, ça va s'appeler. Si j'ai une balle, je t'envoie sur le mur, si un mur va te prendre. Si c'est pas de mur, on va. Ça, c'est si important, la neutralité. C'est essentiel, la neutralité. Tu vas l'appeler, par la péchante, par la peur. Parce que ça peut plus être au niveau du bien, non? Les gens disent, comment ça se fait que l'archevêque est un tel, il fait telle chose? Tu vas garder le pape derrière moi. Il a parlé avant de l'environnement. Il a dit quelque chose, ça peut te crache. Tu fais assez de pape. Ça crée des chocs dans le monde. Les gens disent, comment ça se fait qu'un gars de même parle de même? C'est pas ça qu'il voulait dire. Et c'est ça qu'il a fait pour nous. Puis la neutralité, à ce moment-là, c'est notre évolution. Que l'homme n'a pas connu. Parce que l'homme a connu la dualité, l'évolution. L'autre part, c'est la neutralité. Fait que l'amour est ici, l'intelligence est ici, la volonté est ici. Mais ton ego n'est pas en jeu, t'es incarnable. Là, je dis, si le monde pense que t'es bien fait, t'es bien fait, t'es reçu là, ben, c'est comme moi, je vous parle, des fois, je vous accroche. Je vous accroche en toi. Je t'accroche pour te faire réaliser quelque chose. Quelque chose. Puis je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Parce que les gens qui sont le plus prêts à comprendre certaines choses, il faut qu'ils les comprennent, ces choses-là. C'est tellement nuancé que je vous fais passer par mon champ d'énergie pour que je prenne le temps de la situation. Si je te dis quelque chose à toi, si je te dis quelque chose à toi, toute ton évolution, toi tu parles, là, c'est ton affaire, tu t'arrêtes. Mais si je te dis quelque chose à toi, tu me prends objectivement à ce moment-là, non. C'est pas ça d'abord qu'il n'y a plus rien qui me touche, même si je sais qu'il y a pas. Oui, mais toi, c'est tout, il y en a d'autres, ça les touche. C'est pas du monde. Mais même si t'as l'altération d'eux, tu dirais même pas ça. Le fait que tu dis, il n'y a rien qui me touche, parce que t'es pas encore une personne. Je pas. Mais, c'est ça l'amour. L'amour, c'est pouvoir se mettre dans une situation de combat avec l'ego pour amener l'ego à être là. Ça, c'est l'amour. Ça fait détester pour amener l'ego à être là. Parce que quand t'es là, tu peux changer rien dans la capacité. Tu peux avoir le temps de t'amener là. Changer rien d'autre. Puis c'est juste maintenant, j'arrête des vibrations. Automatiquement, je change. Mais, pour que l'ego en arrive à être neutre. C'est pour ça que j'appelle le vérité de cause. Faut que quelqu'un le fasse. Avant que toi, tu puisses le faire. Faut que moi, je le fasse. Et quand toi, tu pourras le faire, ça se prend. Fait que moi, des fois, je vous accroche en public. C'est pas pour vous faire honte. J'ai pas de temps avec. Mais c'est pour vous faire réaliser des nuances que moi, je paye. Que vous autres, vous ne pouvez pas payer. Et qu'un jour, vous allez saisir. Et on devient pour moi, c'est ben, je veux dire, les choses, les choses, quoi. Tu sais, ça passe beaucoup plus. Il y a un temps où je penserais que... Parce que vous êtes plus objectif. Vous êtes plus objectif. Vous avez plus d'objectivité envers moi aujourd'hui de la vie quand vous m'avez apporté. Dans la branche, dans cette branche, c'est là que la chose, c'est pas vrai. C'est une conférence, c'est la même conférence, il y a un petit gars qui vient me voir. Tremblant! Comme ça! Il va bien spirituel. Il dit, je suis pas d'accord avec votre affaire. Il dit, la connaissance, donner de la connaissance, puis charger pour la connaissance. Il dit, les maîtres ne chargent pas pour la connaissance. Je dis, bon, d'abord, je fais un maître. Ça prend un cas. Puis d'abord, ça, j'ai dit, tant que ça va vous fatiguer que je charge pour la connaissance, bon, je suis pas. Tant que vous êtes accroché à la porte, pas faire du coup. Le gars est à moi, il dit, ben oui, mais il dit, c'est pas normal, il dit, chargez de la connaissance, il revient en constant. Fait que là, pour lui faire comprendre, il dit, j'ai dit, non, votre chambre, j'ai vu, là. Regardez votre chambre, j'ai tout décrit sa chambre chez eux. Tout décrit sa chambre. Des chaussettes, que c'est, il y a pas de temps. C'est rien que ça, là. J'ai dit, quand vous comprendrez que vous ne pouvez pas juger, moi, je ne savez que je suis le plus grand des charlatans. Je suis tellement intelligent que vous savez pas. Et vous pouvez pas le faire déjà. Tout d'un coup, que je suis pas un charlatan, mais je suis bon. Maintenant, mes méthodes sont vraiment différentes. Vous me faites débloquer. Je t'ai parlé, donne-moi un vrai. Hein? Parce que j'avais décrit toute sa chambre chez eux, là. Ça va quand même se dire à la télé, oui, c'est tout voir. Peut-être que c'est du voir. C'est du voir. Là, quand il est parti, il dit, ah, je suis content de vous avoir rencontré. J'ai dit, vous, vous êtes content de m'avoir rencontré? Moi, j'ai dit, je suis content d'avoir vu votre chambre. Mais, tu viens fatiguer. Tout ça, je peux pas faire ça. Tu viens à plus. Parce que, t'aimes les hommes, tu regardes les hommes, tu connais les hommes, tu comprends les jeux, mais tu comprends? Tu veux leur donner là, que ça marche, là, pour que d'autres puissent sacrer leur plein jour, si ils sont bien. Tu sais que, il y a toujours l'ego qui les dit. C'est ça qui nous dit. Moi, quand je sens pas ça d'une chambre de niveau, je peux parler. Je peux parler, c'est ça. Pourquoi? Je repose dans la jardin. Mais il faut que les gens puissent être en train de faire. À ce moment-là, je tape. L'année, pour moi, c'est aussi facile que de recevoir. C'est bien. De quoi? De la musique. Tout bon. Monsieur le dessert. Ça. Comment tu dis ça? Un dessert? Hein? Ça. Stabilise les nords. On peut-tu revenir à l'histoire? C'est un bonhomme qui m'intrigue. C'est intrigue de nous, l'histoire. Ben, parce que ce qui arrive, c'est que moi, je l'aime bien, l'histoire. Bon. On a dit, mais je l'aime bien. Parce que, d'après les cassettes, d'après toute affaire, c'est qu'il contribuait à une évolution. Parce que c'était supposé même être. Il ne s'agit pas de lui ou pas de lui, il s'agit de réaliser que dans l'univers, il y a des non, forces c'est qui agissent d'une direction, il y a des forces qui s'agissent d'une autre. C'est très utile. C'est pas Lucifer qui est le problème. C'est pas Lucifer qui est le problème. C'est l'homme qui est ignorant. Quand l'homme sera plus ignorant, il pourra se servir des forces négatives comme des forces positives. C'est donc là, quand vous dites là, qu'on est ignorant, ça fait pas des fois que vous dites qu'on est ignorant. D'un côté, vous allez dire, c'est mon ego, ça me choque. Ça me choque parce que je sais que c'est pas nécessairement vrai. Quoi? Qu'on est ignorant. Mais oui, c'est vrai. On est ignorant, ou peut-être d'une manière. Mais d'autre côté, je sais que c'est pas vrai. Ouais, mais faut que tu comprennes ton intuition. Faut que tu comprennes ton intuition. C'est vrai puis c'est pas vrai. Ouais. C'est vrai. Parce que. C'est vrai parce qu'on souffre. Pour rien. Puis c'est pas vrai parce qu'on a le potentiel de pas l'être. C'est vrai parce qu'on souffre pour rien. On souffre des formes. Mais c'est pas vrai parce qu'on a le potentiel de pas l'être. Il y a une partie de toi qui regarde là dans le passé, il y a une partie de toi qui regarde là dans le futur. Puis ces deux parties-là ensemble te donnent le sentiment de toi. Que c'est vrai, puis c'est pas vrai. Mais c'est une qualité particulière à ton esprit de sentir que l'homme, que c'est pas vrai, que l'homme est ignorant. Parce qu'il y a une partie de ton esprit qui est claire. Puis la partie de ton esprit qui est claire, c'est la partie qui est en contact. Puis c'est ça qui donne l'impression que c'est pas vrai. Tu as entièrement raison. Mais c'est la partie de ton esprit qui est en contact qui te permet ça. Mais si tu n'avais pas ce contact-là, tu pourrais pas dire ça. M'en dis? C'est vrai. Mais je vais revenir, j'ai une tête de cochon, je vais revenir à l'histoire. Quand il va arriver dans les trinités que vous parlez, là, ça c'est une chose qui me chicote. Bon, les mots que je vous dis, c'est pas pareil. Quand il va arriver la fin des temps, on parle de l'Antichrist, qui va se manifester, etc. On parle de la position. Ouais, ok. Ça, c'est pas une etc. À ce moment-là, ça veut dire que Lucifer, étant donné que c'est un être de lumière, il faut qu'il retourne à la lumière automatiquement. Donc, ça veut dire que il y aurait-tu dans la troisième trinité, la fusion, ce serait la fusion de ça, là, hein, parce que. Bon, j'ai. Ça répond à ce qui arrive aux hommes doit arriver ailleurs. Ce qui se passe ici doit se passer ici. Tout doit monter vers cette grande Trinité-là, qui est la Trinité des Absolus. M'arrêter question pour les deux minutes parce que vous m'avez dit. Ok. Moi, j'essaie de vous faire comprendre. J'essaie de vous faire comprendre. Vibratoirement, pas intellectuellement, mais vibratoirement. J'essaie de vous faire comprendre que. C'est pas important qu'il sache l'eau ou qu'il sache l'eau. Ça sera pas le même. Parce que quand tu sais, tu penses pas. Parce que quand tu sais, et où tu peux aller, ça ne sert pas. Quand l'homme va pouvoir avoir des médecins, l'homme va avoir accès à tout ce qu'il a besoin d'eau. Et si au niveau de votre ego, vous êtes capable de sentir cette vibration-là, que c'est pas important. À ce moment-là, c'est là que vous allez comprendre que en vous, il y a une intelligence qui est